11. Séjour à Elbing. Madame Gentil. Un oncle à héritage. Le 1er janvier 1813. Picard et les Prussiens. Le père Elliot. Mes témoins. Nous allâmes sans perdre de temps à l'hôtel de ville, afin d'avoir des billets de logement. Nous le trouvâmes encombré de militaires. Nous y remarquâmes beaucoup d'officiers de cavalerie bien plus misérables que nous, car presque tous avaient par suite du froid perdu les doigts des mains et des pieds, et d'autres le nez. Ils faisaient peine à voir. Je disais en faveur des magistrats de la ville qu'ils faisaient tout ce qu'il était possible de faire pour les soulager, en leur donnant de bons logements et en les recommandant, afin que l'on eût soin d'eux. Au bout d'une demi-heure d'attente, on nous donna un billet de logement pour nous cinq et pour notre cheval. Nous nous empressâmes d'y aller. C'était un grand cabaret, ou plutôt une tabagie. Nous y fûmes fort mal reçus. On nous désigna pour chambre un grand corridor sans feu et de la mauvaise paille. Nous fîmes des observations. On nous répondit que c'était assez bon pour les Français, et que si cela ne nous convenait pas, nous pouvions aller dans la rue. Indignés d'une pareille réception, nous sortîmes de cette maison en témoignant tout notre mépris au buteur qui nous recevait de la sorte, et en le menaçant de rendre compte de sa conduite aux magistrats de la ville. Nous décidâmes qu'il fallait tâcher de changer notre billet, et c'est moi qui fus chargé de cette mission, pendant que mes camarades m'attendaient dans une auberge, où nous venions d'entrer. Lorsque j'arrivai à l'hôtel de ville, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je m'adressai au bourgmestre qui parlait français. Je lui contai la manière brutale dont nous avions été reçus. Je lui montrai mon pied droit enveloppé d'un morceau de peau de mouton, et la main droite dont une phalange, la première du doigt du milieu, était près de tomber. Il parla à celui qui était chargé des logements, qui me dit que nous ne pourrions pas être logés ensemble. « Voilà, me dit-il, un billet pour quatre et le cheval. En voilà un autre que je vous conseille de garder pour vous. C'est chez un Français qui a épousé une femme de la ville. » Après l'avoir remercié, je retournai trouver mes camarades. Arrivés au faubourg, nous allâmes au logement du billet pour quatre et le cheval. C'était la maison d'un pêcheur, située sur le bord d'un canal, dans la direction du port. Nous y fûmes assez bien reçus. Lorsque nous fûmes organisés, j'offris le billet, qui était pour un, à celui qui le voudrait. Mais personne n'en voulut. Alors je le gardai, et je m'informai si c'était loin de l'endroit où nous étions. Il n'y avait qu'un pont à traverser. La maison me parut très apparente. En entrant, la première personne que je rencontrai fut la domestique, grosse allemande aux joues flétries. Je lui présentai mon billet. Elle me dit que déjà, il y avait quatre militaires logés, et en même temps, elle alla chercher la dame de la maison, qui me dit la même chose, en me montrant la chambre où ils étaient. C'étaient justement des hommes du régiment qui, comme nous, venaient d'arriver isolément. Je pris aussitôt la résolution de retourner au premier logement rejoindre mes camarades. Mais la dame, qui venait de voir sur son billet que j'étais sous-officier de la garde impériale, me dit « Écoutez, mon pauvre monsieur, vous me paraissez si souffrant que je ne veux pas vous laisser sortir d'ici. Suivez-moi, je vais vous donner une chambre pour vous seul, et vous aurez un bon lit, car je vois que vous avez besoin de repos. » Je lui répondis que c'était très bien à elle d'avoir pitié de moi, mais que je ne lui demandais que de la paille et du feu. « Vous aurez tout cela, » me répondit-elle. En même temps, elle me fit entrer dans une petite chambre chaude et propre, où se trouvait un lit couvert d'un édredon. Mais je lui demandais en grâce de me faire donner de la paille avec des draps et de l'eau chaude pour me laver. On m'apporta tout ce que j'avais demandé, plus un grand baquet en bois pour me laver les pieds. J'en avais bien besoin, mais ce n'était pas tout. La tête, la figure, la barbe n'avaient pas été faites depuis le 16 décembre. Je priai le domestique, qui se nommait Christian, d'aller me chercher un barbier. Il me rasa, ou plutôt m'écorcha la figure. Il prétendit que j'avais la peau durcie par suite du froid. Tant qu'à moi, je pensais que ces rasoirs étaient comme des scies. L'opération finie, je me fis couper les cheveux et même la queue. Après l'avoir généreusement payé, je lui demandai s'il ne connaissait pas un marchand de vieux habits, car j'avais besoin d'un pantalon. Après son départ, un juif arriva avec des pantalons qu'il cachait dans un sac. Il s'en trouvait de toutes les couleurs, des gris, des bleus, mais tous trop petits ou trop grands, ou malpropres. L'enfant d'Israël, voyant que rien ne me convenait, me dit qu'il allait revenir avec quelque chose qui me plairait. En effet, il ne tarda pas à reparaître avec un pantalon à la cosaque, de couleur amarante et en drap fin. Il était fort large. C'était le pantalon d'un cavalier, probablement d'un aide de camp du roi Murat. N'importe, je l'essayais, et prévoyant que j'aurais bien chaud avec, je le gardais. On y voyait encore de chaque côté la marque d'un large galon que le juif avait eu la précaution d'enlever. Je lui donnais en échange la petite giberne du docteur, garnie en argent, que j'avais prise sur le Cosaque le 23 novembre. En outre, il exigea 5 francs que je lui donnais. Il me restait encore 3 belles chemises du commissaire des guerres. Je me disposais à changer de linge, mais lorsque je me regardais, je me dis que pour bien faire, il me faudrait un bain, car j'avais encore par tout le corps des traces de vermine. Je m'informai à la domestique s'il y avait des bains près de l'endroit où nous étions. Mais ne pouvant me comprendre, elle alla chercher sa dame, qui vint aussitôt. C'est alors que je remarquai que mon hôtesse était une belle et jolie femme, mais pour le moment mes observations n'allèrent pas plus loin, car dans la position où je me trouvais, j'avais trop à m'occuper de ma personne. Elle me demanda ce que je voulais. Je lui dis que désirant prendre un bain, je voudrais qu'elle eût la bonté de m'indiquer où je pourrais me le procurer. Elle me répondit qu'il y en avait, mais que c'était trop loin, que si je voulais, on pourrait m'en préparer un chez elle. Elle avait de l'eau chaude et une grande cuve, que si je voulais me contenter de cela, on allait me la préparer. Comme on peut bien le penser, j'acceptai avec le plus grand plaisir, et un instant après, la domestique me fit signe de la suivre. Alors, prenant mon sac et mon pantalon amarrante, j'entrai dans une espèce de buanderie, où je trouvai tout ce qui était nécessaire, même du savon pour me nettoyer. Je ne pourrais exprimer le bien que je ressentis pendant le temps que je restais dans le bain. J'y restais même trop longtemps, car la domestique vint voir s'il ne m'était rien arrivé de fâcheux. Elle s'était aperçue en entrant que j'étais fort embarrassé pour me nettoyer le dos. Aussitôt, sans me demander la permission, elle va chercher un grand morceau de flanelle rouge, et s'approchant de la cuve, elle me pose la main gauche sur le cou, et de l'autre elle me frotte le dos, les bras, la poitrine. Comme on peut bien le penser, je me laissais faire. Elle me demandait si cela me faisait du bien. Je lui répondis que oui. Alors elle redoublait de zèle jusqu'à me fatiguer. Enfin, après m'avoir bien étrié, nettoyé, essuyé, elle sortit en riant comme une grosse bête, sans me donner le temps de la remercier. Je passai une des belles chemises du commissaire des guerres, ensuite j'enfourchai le large pantalon à la cosaque, et, pieds nus, je regagnai la chambre où était mon lit, sur lequel je me laissai tomber. Il était temps, car il me prit une faiblesse, et je perdis connaissance. Je ne sais combien de temps je restai dans cette situation, mais lorsque je pus y voir, je remarquai à mes côtés la dame de la maison, la domestique et 2 soldats du régiment qui étaient logés dans la maison et que l'on avait été chercher, pensant que j'avais quelque chose de grave, mais il n'en était rien. Cette faiblesse était occasionnée par le bain et aussi par les misères et fatigues que j'avais éprouvées. Madame Gentil, c'était le nom de la dame, voulut me faire prendre un bouillon qu'elle m'apporta et qu'elle voulut me faire prendre elle-même, en me soutenant la tête de son bras gauche. Je me laissais faire. Il y avait si longtemps que je n'avais été câliné. Madame Gentil était d'une beauté remarquable. Elle avait la taille mince et flexible, des yeux noirs, et à son teint blanc et vermeil, on reconnaissait une belle femme du Nord. Elle avait 24 ans. Il me souvint que l'on m'avait dit qu'elle avait épousé un Français. Lui ayant demandé si cela était vrai, elle me répondit que c'était la vérité. En 1807, un convoi de blessés français, venant des environs de Dantzig, arriva à Elbing, et comme l'hôpital était rempli de malades, ces blessés furent logés chez les habitants. « Pour notre compte, me dit-elle, nous eûmes un hussard blessé d'un coup de balle dans la poitrine et d'un coup de sabre au bras gauche. Ma mère et moi, nous lui donnâmes des soins qui hâtèrent sa guérison. Alors, lui dis-je, en reconnaissance de ce service, il vous épousa ?» Elle me répondit en riant que c'était vrai. Je lui dis que je n'aurais bien fait autant, parce qu'elle était la plus belle femme que j'aie jamais vue. Madame Gentil se mit à rire, à rougir et à me parler. Et elle parlait probablement encore quand je m'endormis pour ne me réveiller que le lendemain à 9 heures du matin. Pendant quelques moments, je ne me souvins plus où j'étais. La domestique entra accompagnée de Madame Gentil, qui m'apportait du café, du thé et des petits pains. Il y avait longtemps que je m'étais trouvé à pareille fête. J'oubliais le passé pour ne plus penser qu'au présent et à Madame Gentil. J'oubliais même mes camarades. Madame Gentil me regardait attentivement. Ensuite, me passant la main sur la figure, elle me demanda ce que j'avais. Je lui répondis que je n'avais rien. « Mais si, me dit-elle, vous êtes bouffie, vous avez la figure enflée. » Ensuite, elle me conta qu'un sous-officier de la garde impériale était venu la veille dans l'après-midi, en lui demandant s'il n'y avait pas un sous-officier logé chez elle. Elle lui avait répondu qu'il y en avait un et, lui ayant montré la chambre où j'étais, il en était sorti en disant que ce n'était pas celui qu'il cherchait. Au moment où Madame Gentil me contait cela, mon ami Grangier entra, et il allait se retirer en disant « Je vous demande pardon, depuis hier je cherche un de mes camarades et ne puis le trouver. Cependant c'est bien ici la rue et le numéro de la maison porté sur le billet. »« Ah ça, lui dis-je, ce n'est pas moi que tu cherches. » Grangier partit d'un grand éclat de rire. Il ne m'avait pas reconnu. Cela n'était pas étonnant. Je n'avais plus de queue, j'avais la figure enflée. J'étais blanc comme un cygne par suite du bain que j'avais pris, ou plutôt par la manière dont la domestique m'avait étrillé à tour de bras, avec son morceau de flanelle. J'avais du linge blanc et fin, la tête bien peignée, les cheveux frisés. C'est alors qu'il me conta que la veille, il était venu pour me voir, mais qu'en voyant Pantalon Rouge sur une chaise, il s'était retiré, persuadé qu'il s'était trompé. Il m'annonça qu'il venait d'être prévenu qu'à 3 heures, il y avait réunion des débris de tous les corps de la garde, et qu'il fallait que tout le monde fît son possible pour y venir, et qu'il viendrait me chercher. À 2 heures, comme il me l'avait promis, il vint me prendre accompagné de mes autres camarades, qui en me voyant se mirent tellement à rire que leurs lèvres crevassées par la suite de la gelée en saignèrent. Je les surpris agréablement, en leur présentant du vieux vin du Rhin et des petits gâteaux que Madame Gentil avait eu la bonté de me procurer, car elle était prévoyante et allait au-devant de tout ce qui pouvait me faire plaisir. Ce fut dans ce moment que je demandai où était son mari, ajoutant que, puisqu'il était français, j'aurais du plaisir à le voir, afin de prendre un peu de vin avec lui. Elle me répondit que depuis quelques jours il était absent, qu'il était parti avec son père à elle sur les bords de la mer Baltique, où ils faisaient ensemble le commerce de fruits qu'ils expédiaient à Saint-Pétersbourg. C'était le 24 décembre, un peu avant 3 heures. Nous nous rendîmes sur la grande place, en face du palais où était logé le roi Murat. En arrivant, j'aperçus l'adjudant-major Roustan, qui, s'approchant de moi, me demanda qui j'étais. Je me mis à rire. « Tiens, dit-il, ce n'est pas vous, Bourgogne ? Le diable m'emporte. On ne dirait pas que vous arrivez de Moscou, car vous paraissez gros, gras et frais. Et votre queue, où est-elle ? » Je lui répondis qu'elle était tombée. « Eh bien, reprit-il, si elle est tombée en arrivant à Paris, je vous mets aux arrêts jusqu'au temps qu'elle soit repoussée. » À cette première réunion, il y avait peu de monde, mais on se revoyait avec plaisir, car depuis Villebalène, 17 décembre, on ne s'était pour ainsi dire pas rencontrés. Chacun avait marché pour son compte et par des chemins différents. Les jours suivants se passèrent de même, un appel par jour. Le quatrième de notre arrivée, on nous annonça la mort d'un officier supérieur de la jeune garde, mort du chagrin que lui avait causé la fin tragique d'une famille russe, mais d'origine française, domiciliée à Moscou, qu'il avait engagé à le suivre pendant la retraite, et dont j'ai raconté la triste fin avant notre arrivée à Smolensk. J'appris qu'il était arrivé à Elbing 3 jours avant nous, mais que 2 jours après, étant de garde chez le roi Murat, au moment où il s'avançait pour se chauffer près d'une grande cheminée, sans penser qu'il avait placé sa giberne devant lui afin qu'elle ne le gênât pas pour se reposer, une étincelle mit le feu à la poudre. Une explosion eut lieu, et par suite de cet accident, il eut la figure, les moustaches et les cheveux brûlés. On m'assura qu'il n'avait rien de bien grave, qu'il en serait quitte pour changer de peau. Le 29 décembre, je commençai à bien me rétablir. L'enflure de ma figure avait disparu. Le pied gelé allait bien, ainsi que la main, et tout cela grâce aux soins de Madame Gentil, qui me soignait comme un enfant. Son mari, que je n'avais pas encore vu, revint de voyage. Il ne resta que 2 jours chez lui. Il en repartit avec des marchandises, pour aller rejoindre son beau-père qui les expédiait en Russie par des traîneaux, les communications étant libres depuis que nous n'y étions plus. Il me conta qu'il avait servi dans le 3e hussard pendant 3 ans, et qu'après avoir reçu 2 graves blessures dans une affaire auprès de Danzig, reconnu incapable de continuer à servir, il avait reçu son congé, qu'après cela il avait préféré rester dans ce pays et se marier, puisqu'il avait une connaissance à retourner dans son pays qui était la Champagne pouilleuse, où il ne possédait absolument rien. Le lendemain, 30 décembre, je fus avec Grangier faire une visite à mon brave Picard. Un grenadier qui avait été logé avec lui m'avait enseigné son logement. Lorsque nous y fûmes arrivés, une femme habillée de noir et qui avait l'air triste nous montra sa chambre située à l'extrémité d'un long corridor. Nous vîmes que la porte était à demi ouverte. Nous nous arrêtâmes pour écouter la grosse voix de Picard, qui chantait son morceau favori sur l'air du curé de Pomponne, Ah, tu t'en souviendras, Larira, du départ de Boulogne. Notre surprise fut grande en lui voyant un visage blanc comme la neige, car il avait un masque de peau qui lui couvrait toute la figure. Il nous conta sa mésaventure. Ensuite, il se traita de conscrit, de vieille bête. « Tenez, mon pays, me dit-il, c'est comme le coup de fusil dans la forêt, la nuit du 23 novembre. Je vois que je ne vaux plus rien. Cette malheureuse campagne m'a usé. Vous verrez, continua-t-il, qu'il m'arrivera malheur. » Et en disant cela, il s'empara d'une bouteille de genièvre qui était sur la table, et prenant trois tasses sur la cheminée, il les remplit pour boire, nous dit-il, à notre bonne arrivée. Nous le remerciâmes. « Eh bien, nous dit-il, nous allons passer la journée ensemble. Je vous invite à dîner. » Aussitôt, il appela la femme, qui se présenta en pleurant. Je demandai à Picard ce qu'elle avait. Il me conta que le matin, l'on avait enterré son oncle, vieux célibataire, caboteur ou corsaire, très riche à ce qu'il paraît, et que par suite, il y avait grand gala à la maison, qu'il y était invité, et que c'était pour cela qu'il nous invitait aussi, parce qu'il y aurait des noisettes à croquer. Mais se reprenant, il nous dit qu'il faudrait mieux faire apporter le dîner dans la chambre que de passer notre temps avec un tas de pleurnicheuses qui allaient faire semblant de pleurer, comme il arrive toujours à la mort d'un vieil oncle qui vous laisse quelque chose. Il dit à la femme qu'il ne pourrait aller dîner avec elle à cause de ses amis venus le voir, que né avec un cœur sensible, il ne ferait que pleurer. En disant cela, il fit semblant d'essuyer une larme. La femme recommença à pleurer de plus belle, et nous, en voyant jouer une comédie pareille, nous fûmes obligés, pour ne pas éclater de rire, de nous couvrir la figure avec notre mouchoir, de sorte que la brave femme pensa que nous pleurions, et nous dit que nous étions de bons hommes, mais qu'il ne fallait pas que cela nous empêchât de dîner, et qu'elle allait nous faire servir. Ensuite elle se retira, et deux domestiques femelles vinrent nous apporter le dîner. Il y avait tant de choses que nous n'aurions pu le manger en trois jours. Notre repas fut, comme on doit bien le penser, on ne peut plus gai. Et cependant, lorsque nous revenions sur nos misères, sur le sort de nos amis que nous avions vus périr, et de ceux dont nous ne savions comment ils avaient disparu, nous devenions tristes et pensifs. Nous étions encore à fumer et à boire. Il commençait déjà à faire nuit, lorsque la dame de la maison entra pour nous dire que l'on nous attendait pour prendre le café. Nous nous laissons conduire, et nous arrivons, après quelques détours, dans une grande chambre. Grangier en avant, et moi le second. Picard était resté en arrière. Nous apercevons en entrant une longue table bien éclairée par plusieurs bougies. Autour, 14 femmes plus ou moins vieilles, toutes habillées de noir. Devant chacune d'elles était posée une tasse, un verre et une longue pipe en terre, et du tabac, car presque toutes les femmes fument dans ce pays, et surtout les femmes des marins. Le reste de la table était garni de bouteilles de vin du Rhin et de genièvre de Danzig. Picard n'était pas encore entré. Nous pensions qu'il n'osait pas se présenter à cause de sa figure, mais à peine avions-nous fait cette remarque que nous voyons toutes les femmes faire un mouvement et jeter des grands cris en regardant du côté de la porte d'entrée. C'était mon Picard qui faisait son entrée dans la chambre, avec son masque de peau blanche, affublé de son manteau de la même couleur, coiffé d'un bonnet de peau de renard noir de Russie et fumant dans une pipe d'écume de mer montée d'un long tuyau qu'il tenait gravement de la main droite. Le bonnet et la pipe appartenaient au défunt. Il avait vu en passant dans le corridor ces objets accrochés dans la chambre du défunt, et par farce il s'en était emparé. De là la frayeur des femmes, qui l'avaient pris pour le trépassé venant prendre la part du café funèbre. On pria Picard d'accepter le bonnet et la pipe en considération des larmes qu'il avait versées le matin devant la dame de la maison. La conversation devint de plus en plus animée, car toutes les femmes fumaient comme des hussards, et buvaient de même. Bientôt il n'y eut plus moyen de s'entendre. Avant de se séparer, elles chantèrent un cantique et dirent une prière pour le repos de l'âme du défunt. Tout cela fut chanté et dit avec beaucoup de recueillement, auquel nous prîmes part par notre silence. Ensuite, elles sortirent, en nous souhaitant le bonsoir. Il neigeait et faisait un vent furieux. Nous prîmes le parti de coucher chez notre vieux camarade. La paille ne manquait pas, la chambre était chaude, c'était tout ce qu'il nous fallait. Le lendemain matin, une jeune domestique nous apporta du café. Elle était accompagnée de la dame de la maison, qui nous souhaita le bonjour et nous demanda si nous voulions autre chose. Nous la remerciâmes. Ensuite, elle se mit à causer avec la domestique. Cette dernière lui disait que l'on venait de lui assurer que l'armée russe n'était plus qu'à 4 journées de marche de la ville, et qu'un juif, qui arrivait de Tilsit, avait rencontré des cosaques auprès d'Elo. Comme je parlais assez l'allemand pour comprendre une partie de la conversation, j'entendis que la dame disait « Mon Dieu, que vont devenir tous ces braves jeunes gens ? » Je témoignai à la bonne Allemande toute ma reconnaissance pour l'intérêt qu'elle prenait à notre sort, en lui disant qu'à présent que nous avions à manger et à boire, nous nous moquions des Russes. Si les hommes nous étaient hostiles, nous avions partout les femmes pour nous. Je fis souvenir à Picard que le lendemain, c'était le jour de l'an 1813, et que je l'attendais à passer la journée chez moi. Il regarda dans une glace comment était sa figure. Ensuite, il décida qu'il viendrait. Effectivement, il allait bien. Il n'avait fait que changer de peau. Comme il ne connaissait pas mon logement, il fut convenu que je le prendrais à 11 heures, en face du palais du roi Murat. Ensuite, nous nous disposâmes à retourner chez nous. Mais il était tombé une si grande quantité de neige que nous fûmes obligés de louer un traîneau. Nous arrivâmes à notre logement, moi avec un grand mal de tête et un peu de fièvre, suite de la fête de la veille. Madame Gentil avait été inquiétée de mon absence. Sa domestique avait attendu jusqu'à minuit. Je lui témoignai toute la peine que j'éprouvais, mais le mauvais temps fut mon excuse. Je lui dis que le lendemain, j'aurais deux amis à dîner. Elle me répondit qu'elle ferait ce qu'il conviendrait pour que je sois content. C'était dire qu'elle voulait en faire les frais. Ensuite, elle me donna de la graisse très bonne, disait-elle, pour les engelures. Elle prétendit que j'en fisse usage de suite. Je me laissais faire. Elle était si bonne, Madame Gentil. D'ailleurs, les Allemandes étaient bonnes pour nous. Je passai le reste de la journée sans sortir, presque toujours couché, recevant les soins et les consolations de mon aimable hôtesse. Le soir étant venu, je pensais à ce que je pourrais lui donner pour cadeau du jour de l'an. Je me promis de me lever de grand matin et de voir, chez quelques juifs, si je ne trouverais pas quelque chose. Ensuite, je me couchai avec l'idée de passer une bonne nuit, car la soirée de la veille m'avait fatigué. Le lendemain, 1er janvier 1813, 9e jour de notre arrivée à Elbing, je me levai à 7 heures du matin pour sortir. Mais avant, je voulus voir ce qui me restait de mon argent. Je trouvai que j'avais encore 485 francs, dont plus de 400 francs en or, et le reste en pièces de 5 francs. Partant de Vilna, j'avais 800 francs. J'aurais donc dépensé 315 francs. La chose n'était pas possible. C'est qu'alors j'en avais perdu. À cela, rien d'étonnant. Mais je me trouvais encore bien assez riche pour dépenser 20 à 30 francs s'il le fallait, afin de faire un cadeau à mon aimable hôtesse. Au moment où j'allais ouvrir la porte, je rencontrai la grosse servante Christiane, celle qui m'avait si bien frotté dans le bain. Elle me souhaita une bonne année, et comme elle était la première personne que je rencontrais, je l'embrassai et lui donnai 5 francs. Aussi fut-elle contente. Elle se retira en me disant qu'elle ne dirait pas à madame que je l'avais embrassée. Je me dirigeai du côté de la place du palais. À peine y étais-je arrivé que j'aperçus 2 soldats du régiment. Ils marchaient avec peine, courbés sous le poids de leurs armes et de la misère qui les accablait. En me voyant, ils vinrent de mon côté, et je reconnus à ma grande surprise 2 hommes de ma compagnie, que je n'avais pas vus depuis le passage de la Bérézina. Ils étaient si malheureux que je leur dis de me suivre jusqu'à une auberge, où je leur fis servir du café pour les réchauffer. Ils me contèrent que le 29 novembre au matin, un peu avant le départ du régiment des bords de la Bérézina, on les avait commandés de corvée pour enterrer plusieurs hommes du régiment, tués la veille ou morts de misère. Qu'après avoir accompli cette triste mission, ils étaient partis pensant suivre la route que le régiment avait prise, mais que malheureusement ils s'étaient trompés en suivant des Polonais qui se dirigeaient sur leur pays. Ce n'est que le lendemain qu'ils s'en aperçurent. Enfin, me dirent-ils, il y avait 1 mois que nous marchions dans un pays inconnu, désert, toujours dans la neige, sans pouvoir nous faire comprendre, sans savoir où nous étions et où nous allions. L'argent que nous avions ne pouvait nous servir. Si quelquefois nous nous sommes procurés quelques douceurs, comme du lait ou de la graisse, c'était aux dépens de nos habits, en donnant nos boutons à l'aigle ou les mouchoirs que nous avions conservés par hasard. Nous n'étions pas les seuls. Beaucoup d'autres de différents régiments marchaient aussi, comme nous, sans savoir où ils allaient, car les Polonais que nous avions suivis avaient disparu, et c'est par hasard, mon sergent, que nous arrivons ici et que nous avons eu le bonheur de vous rencontrer. À mon tour, je leur témoignais tout le plaisir que j'avais de les revoir. Il y avait 4 ans qu'ils étaient dans la compagnie. Tout à coup, l'un d'eux me dit « Mon sergent, j'ai quelque chose à vous remettre. Vous devez vous souvenir qu'en partant de Moscou, vous m'avez chargé d'un paquet. Le voilà tel que vous me l'avez donné. Il n'a jamais été tiré de mon sac. » Le paquet était une capote militaire en drap fin, d'un gris foncé, que j'avais fait faire pendant notre séjour à Moscou par les tailleurs russes, à qui j'avais sauvé la vie. L'autre objet était un encrier que j'avais pris sur une table au palais de Rotopskine, au moment de l'incendie, pensant que c'était de l'argent, mais ce n'était pas tout à fait cela. L'année commençait bien pour moi. Je voulus qu'elle fût de même pour celui qui me rendait un si grand service. Je lui donnai 20 francs. Ensuite, je n'eus rien de plus pressé que d'endosser ma nouvelle capote. Autre surprise non moins agréable, en mettant les mains dans les poches de ma nouvelle capote, j'en retirai un foulard des Indes, où dans un des coins bien noués, je trouvai une petite boîte en carton, renfermant 5 bagues montées en belle pierre. Cette boîte que je pensais avoir mise dans mon sac, je la retrouvai pour faire un cadeau à Madame Gentil. Aussi la plus belle lui fut-elle destinée. Après avoir dit à mes 2 soldats d'attendre jusqu'à l'heure de l'appel pour les faire rentrer à la compagnie et leur faire délivrer un billet de logement, je les laissai pour retourner au mien. Chemin faisant, j'achetai un gros pain de sucre que j'offris à mon hôtesse, ainsi que la bague en la priant de la garder, comme un souvenir, car elle venait de Moscou. Elle me demanda combien je l'avais achetée. Je lui répondis que je l'avais payé bien cher, et que, pour 1 million, je ne voudrais pas en aller chercher une pareille. À 11 heures, je retournai sur la place du palais. Il y avait déjà beaucoup de monde. Notre nombre était presque doublé depuis 3 jours. On aurait dit que ceux que l'on croyait morts étaient ressuscités pour venir se souhaiter une bonne année, mais c'était triste à voir, car un grand nombre étaient sans nez ou sans doigts aux mains et aux pieds. Quelques-uns réunissaient à tous les mots à la fois. Le bruit se confirmait que les Russes avançaient. Aussi l'on donna l'ordre de se tenir prêt comme à la veille d'une bataille, et de ne dormir que d'un œil pour ne pas être surpris, de tenir les arbres en bon état et chargés, de donner de nouvelles cartouches et de venir à l'appel avec armes et bagages. L'appel n'était pas encore fini que je me sens frapper sur l'épaule et un gros rire vient me percer les oreilles. C'était Picard dans sa belle tenue et son masque qui me saute au cou, m'embrasse et me souhaite une bonne année. D'un autre côté, c'était Grangier qui en faisait autant, en me mettant 30 francs dans la main. Mes compagnons de voyage avaient vendu notre traîneau et le cheval 150 francs. C'était ma part qu'il me remettait. Après plusieurs questions sur ma nouvelle capote, nous partîmes pour aller dîner chez moi, comme cela avait été convenu. En arrivant, nous trouvâmes 2 autres dames. Ainsi, nous avions chacun la nôtre. Un instant après, nous nous mettons à table sans cérémonie. Notre dîner finit assez tard, et comme il avait commencé, c'est-à-dire joyeusement. En sortant, j'entendis une des dames qui disait à Madame Gentil « Tartoffel des Franzosen », ce qui veut dire « diable de français ». Elle ajouta « Ils sont toujours gais et amusants ». Le lendemain, étant à la réunion, Picard va me trouver pour me raconter qu'en entrant dans son logement, il avait trouvé toute la famille de son hôtesse réunie, mais jurant contre l'oncle défunt que sa bourgeoise lui avait conté que dans la journée d'une femme était arrivée venant de Riga, elle était accompagnée d'un petit garçon de 9 à 10 ans qu'elle avait eu, disait-elle, avec monsieur Kenman, l'oncle défunt, et qu'il avait reconnu pour son héritier, que l'on allait mettre les scellés et que lui, Picard, avait demandé si on les mettrait aussi sur la cave, qu'on lui avait dit par précaution de remonter quelques bouteilles pour sa consommation, qu'il avait répondu qu'il en remonterait le plus possible, qu'alors il s'était mis à la besogne et qu'il en avait déjà remonté plus de 40, qu'il avait caché sous la botte de paille qui lui servait de traversin, et qu'après l'appel, il irait vider son sac pour le remplir de bouteilles, qu'ensuite il viendrait me l'apporter. Effectivement, 1 heure après, il arriva le sac sur le dos. Il me dit qu'il fallait se dépêcher de les boire, parce qu'il était fortement question dans la ville de l'arrivée prochaine des Russes. Il ne manqua pas de m'en apporter chaque jour, pendant le peu de temps que nous restâmes encore dans cette ville. Il aurait, comme il disait, fini par vider la cave. Mais un jour, le 11 janvier, il entra chez moi de grand matin en tenue de route, en me disant qu'il croyait bien ne pas retourner coucher à son logement, qu'à chaque moment il fallait s'attendre à entendre battre la générale, qu'il me conseillait de me tenir prêt et de me disposer à faire mes adieux à Madame Gentil. Grangier entra aussi en tenue de départ. Il arrivait fort à propos pour déjeuner avec tout, puisque le vin ne manquait pas. Il pouvait être 8 heures du matin. Nous nous mîmes à table. À 11h30, nous y étions encore, lorsque tout à coup, Picard, qui s'apprêtait à vider son verre, s'arrête et nous dit « Écoutez, je crois entendre le bruit du canon. » Effectivement, le bruit redouble. La générale bat. Tous les militaires courent aux armes. Madame Gentil entre dans la chambre en s'écriant « Messieurs, les Cosaques !» Picard répond « Nous allons les faire danser. » Je me presse d'arranger mes affaires et un instant après, armes et bagages, le sac sur le dos, j'embrasse Madame Gentil, pendant que Picard et Grangier vident de la dernière bouteille en bon soldat. J'avale un dernier verre de vin, ensuite je m'élance dans la rue, à la suite de mes amis. Nous n'avions pas encore fait 30 pas que j'entends que l'on me rappelle. Je me retourne. J'aperçois la grosse Christiane qui me fait signe de rentrer, en me disant que j'avais oublié quelque chose. Madame Gentil se tenait dans le fond de l'allée de la maison. Aussitôt qu'elle m'aperçoit, elle me crie « Vous avez oublié votre petite bouilloire !» Ma pauvre petite bouilloire que j'apportais de Vilna, que j'avais achetée aux Juifs qui avaient voulu m'empoisonner. Je n'y pensais vraiment plus. Je rentre dans la maison pour embrasser encore une fois cette bonne femme qui m'avait traité et soigné comme si j'avais été son frère ou son enfant, en lui disant de garder ma bouilloire comme un souvenir de moi. Elle vous servira à faire bouillir de l'eau pour faire du thé, et toutes les fois que vous vous en servirez, vous penserez au jeune sergent Vélite de la garde. Adieu. » J'entends que le bruit du canon redouble. Alors je m'élance dans la rue, mais cette fois pour ne plus revenir. Sur un petit pont, j'aperçois Grangier, qui m'attendait avec impatience. Nous prenons le chemin le plus direct, le long du quai, pour arriver au lieu du rassemblement. Nous n'avions pas marché 5 minutes que nous apercevons Picard au milieu de la rue, jurant comme un homme en colère, tenant sous son pied droit un Prussien, ayant devant lui 4 vétérans prussiens commandés par un caporal sous les ordres d'un commissaire de police. Voilà de quoi il était question. En face d'un café, plusieurs individus lui avaient jeté des boules de neige. Il s'était arrêté en les menaçant d'entrer dans la maison pour leur donner une correction. Mais ils n'en tinrent pas compte. Un de ces individus, étant descendu dans la rue, s'avança derrière Picard, lui posa une queue de billard sur l'épaule et se mit à crier « Hourra, Gozak !» Lui se retournant vivement, l'empoigne par la peau du ventre, lui fait faire un demi-tour et le jette à plat ventre, la figure dans la neige. Ensuite, il lui pose le pied droit sur le dos, pensant qu'il met la baïonnette au bout du canon de son fusil, et se retournant du côté du café, défie ceux qui y sont.